Et c'est pas que je t'aime plus, que je t'aime plus, que je t'aime moins, mais je t'aime différemment. Et c'est aussi bien. Rien faire du tout, l'amour, rien que l'amour, faire du je t'aime toujours. Bien sûr c'était tout chaud, du soleil sur la peau, l'amour, rien que l'amour, la flemme au jour le jour. On avait pris le temps de s'aimer au soleil tous les deux. Mais tu sais si ma vie a changé de tempo, elle n'a pas changé mon amour et mes mots. C'est pas que je t'aime plus, que je t'aime plus, que je t'aime moins, mais je t'aime différemment. Et si Paris vole ma vie. Et l'amour, oui l'amour, il a l'air qu'on t'écoute. Tu reproches à mon temps de n'avoir pas le temps. Mais l'amour, oui l'amour, il est en moi toujours. Et l'on peut s'inventer des soirées de vacances tous les deux. Car tu sais si ma vie a changé de tempo, elle n'a pas changé mon amour et mes mots. C'est pas que je t'aime plus, que je te pousse, que je t'aime moins, mais je t'aime différemment. Et c'est pas que je t'aime plus, que je t'aime plus, que je t'aime moins, mais je t'aime différemment. Et c'est aussi bien. Et même si j'ai l'air un peu ailleurs, je suis la même, je n'ai pas peur. Non, c'est pas que je t'aime plus, que je t'aime plus, que je t'aime moins, mais je t'aime différemment. Et c'est aussi bien.